Jésus c'est solution pour nous, amis, écoutez ça. Jésus c'est qui peut sauver nous, amis, écoutez ça. Oh Jésus, sauvez-moi. À la recherche de la gloire, à la recherche du succès, ils sont prêts à tout pour l'avoir et le garder. Du succès, ils sont prêts à tout pour l'avoir et le garder. Ils vendraient père et mère, sacrifieraient leurs enfants pour l'avoir et le garder. Le pouvoir, le pouvoir. Écoutez ça. Où est la joie? Il n'y a plus de pardon. Revenons à l'essence.